Les envahisseurs, c'est Cargoucul qui revient. Ah puis il y a deux fois, vous avez vu. Bon, bah oui, c'est notre tour, 2022, sa première de 2022. Après les rediffusions de l'hiver qui vous ont enchanté. Bah on va attaquer ce programme très très fort. Et puis alors pour le peu, je crois que le générique des envahisseurs colle à satiété au personnage qui va suivre, à la personne magnifique, femme. Et vous allez voir, elle trouble tout, jusqu'à même troubler les genres et les définitions. Puisque l'héroïne du jour s'appelle Kevin Blatchdom. Ouais, Kevin comme Kevin, quoi. À part que, ouais, non, c'est Kevin, quoi, mais c'est aussi autre chose. C'est un vrai disque culte. Kevin Blatchdom et son Bitches Without Breeches, qui était signé en 2003 sur le label des filles allemandes de Chicken Speed. Alors, je vais y revenir, et vous allez voir, on est dans le double entendre et les jeux de mots à satiété avec cette bande-là, et surtout avec Kevin Blatchdom. Je vais faire un peu le décodeur, mais je ne suis pas sûr de bien décoder aussi. Mais il faudra me suivre. Donc, personne ne sait que ce disque est culte alors qu'il est éminemment culte. Alors, ok, certes, je sais qu'il est culte, et puis en plus, je vous le fais partager, donc quelques autres le sauront, et vous partagerez cet avis, j'en suis convaincu. C'est un disque de femme, mais un vrai disque de femme, et je suis convaincu que si ce même disque avait été fait par un mec, ça aurait été complètement consacré. Totalement auréolé d'une espèce d'ironie post-dadaïste branchée, ce qui est exactement là aussi tu Kevin Blatchdom, mais qu'a perçu les grâces de la consécration. Bon, elle n'a pas été totalement strictement underground non plus, mais enfin... Voilà, dans cet entre-deux qui est finalement toujours indéfinissable. Or, ce disque est fait par une femme ne pouvait être fait que par une femme. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Kevin Blatchdom, alors, on va tout de suite, effectivement, essayer de gommer les confusions possibles, est née Christine Grace Erickson. Et de fait, Kevin Blatchdom, elle n'a pas changé de sexe. Elle est toujours une femme, en fait. Et je pense que dans son état civil, elle s'appelle toujours Christine Grace Erickson. Christine Erickson. Hein, c'est tout simple, si vous faites une recherche Wikipédia, c'est sous ce nom-là que vous la trouverez. Mais son nom d'artiste, Kevin Blatchdom, lui, existe bel et bien, et a été surtout présent dans la première partie des années 2000. On lui doit une carrière très très flamboyante, de 2001 à 2009. Et l'album dont on parle, lui, c'est son premier album. Enfin, il y a beaucoup d'initiatives avant, que je vais rapidement évoquer, et qui lui est signé en 2003. Donc, Kevin Blatchdom, outre la confusion de genre, qui va semer la confusion jusque dans les pages de Facebook qui ne comprenaient pas de quoi on parlait, elle n'a d'égal que la confusion musicale que Kevin Blatchdom va distiller. En fait, Kevin Blatchdom arrive dans cet album, Bitches Without Breeches, à faire croiser le glitch électronique au style country and western. Je ne sais pas si vous connaissez un deuxième disque qui fasse ça, moi, à mon avis, comme celui-là. Si bien que, finalement, Kevin Blatchdom, c'est l'espèce de fils caché d'Aphex Twin et de John Shadbourne, si vous voulez. De Jad Fair et d'Otaker. De Kid 606 et Daniel Johnston. On peut y aller à satiété comme ça. C'est très intéressant d'aller voir que, d'ailleurs, ce disque, Bitches Without Breeches, sur Discog, les recommandations, justement, vont pile poil dans les noms que je vous ai donnés, mais dans la stricte electronica. C'est-à-dire qu'on va associer Kevin Blatchdom à Otaker, à Aphex Twin, voilà, pour citer des grands noms. Or, cet album, en fait, est complètement faussement acoustique, constellé de banjo. Elle y excelle, hein, Christine Erickson. Elle y excelle. Et elle est dans une forme de croisée absolument géniale et implacable entre une culture américaine, mais alors interprétée de façon justement très contre-culturelle, dadaïste et parfois même irrévérencieuse, mais tout en étant fondamentalement dans une assise américana, Et ben, un chassé-croisé qui correspond finalement au bouillonnement européen et spécialement de Berlin à ce moment-là, où Kevin Blechdom réside et où elle va pondre cet album comme ça, qui est un espèce de chaud-froid bouillonnant électronico-banjo permanent. Et croyez-moi, c'est absolument génial. Alors Christine Jackson, rapidement sur son d'où elle vient, elle est née en 1978 en Floride. C'est une tête très bien faite, en fait. Elle étudie le piano classique, elle étudie la musique classique à l'IXL dans le conservatoire et à l'université en Floride, Florida State, à cette époque-là. Elle va enchaîner avec le Mills College, qui, lui, est finalement encore peut-être plus éloquent au niveau des recherches en musique expérimentale. Des têtes formidables sont passées par le Mills College. Pauline Oliveros, hein, voilà, pour commencer avec, comme ça, l'extrêmement important, et une femme qui va aussi signer quelque chose de fort dans l'expression musicale à l'époque, et jusqu'à maintenant, jusqu'à sa mort, et jusqu'à ce que ses descendants aussi prennent le flambeau. Donc faire un lien entre Christine Erickson, donc alias Kevin Blechdom, et puis Pauline Oliveros, c'est pas tout à fait idiot non plus. Vous allez voir que cette femme se pose comme étant un lien finalement à la fois improbable et génial entre tout ce qui nous intéresse dans cette émission. Elle va bouger, elle va faire un duo qui va presque être plus cool qu'elle-même, qui s'appelle Blechdom from Blechdom. Je vous ai dit qu'il fallait faire attention à tous les noms et définitions que je vous donne aujourd'hui. Il faut prendre des notes même. Alors Blechdom from Blechdom, c'est en fait un duo de deux femmes là aussi. Ces deux femmes sont respectivement Blevin Blechdom et Kevin Blechdom. Je ne vous l'appelle pas, mais presque. Bon, Blevin Blechdom, en l'occurrence, elle est... Alors, c'est aussi un pseudo, évidemment, mais pas si transformé que ça. Elle est née Bevin Kelly, et c'est quelqu'un qui s'exprime dans des groupes de musique expérimentale. On est à toute fin des années 90. Les deux femmes se croisent, partagent probablement le même sens de l'ironie et puis de recherche comme ça, un peu punk expérimentalo avec un instrumentarium électronique. Et ça va donner un duo assez sympa. Mais c'est probablement Kevin Blechdom qui va mettre le bouchon un peu plus loin, finalement, dans cette affaire-là. Elle a, je répète, cette espèce d'ambivalence entre une culture électronique expérimentale très aventureuse et puis une assise country and western. Ça commence, en fait, dès le milieu des années 90. Adult Rodeo. Adult Rodeo, c'est un groupe que va constituer, en fait, son frère, Rob Erickson, dont le nom de scène est Lumber Rod à ce moment-là, la compagne de son frère et elle, donc, forment ce trio. Et c'est amusant de savoir que ce groupe est devenu presque plus culte, là, aujourd'hui, que Kevin Blechdom elle-même. Et on y est exactement dans la... dans cette lignée, si vous voulez, un petit peu initiée par des gens comme Judd Fair, on en a déjà parlé ici, voilà, une forme d'avant-folk, trash-folk, low-folk aussi, quoi. Mais pas d'obédience électronique. Or, Christine Erickson, donc, qui n'était pas encore Kevin Blechdom, mais ça arrive très vite, venait avoir de cesse que de mettre en avant et surtout transformer, mais de manière presque transformiste, hein, là le mot n'est pas trop fort, l'acquis expérimentalo-électronique qu'elle aura pu acquérir au Mills College. Et ça va donner coup sur coup deux disques extraordinaires, absolument extraordinaires. Le premier, et je nous en réserve finalement l'écoute pour la fin, je vais un peu dans tous les ordres aujourd'hui, le premier c'était un mini CD, autant dire un maxi, mais vous savez, il y avait les mini-CD, c'était un format qui n'a pas duré très très longtemps, de ces disques de 3 pouces, là, très très petits, et qui se glissaient comme ça dans une poche de veste, c'était très très mignon, il faut les garder d'ailleurs, si vous en avez, c'est collector pour la plupart. Et le sien merveilleux, The Inside Story, son premier disque officiel, mais en fait il y en a un mini avant, mais qui est un CDR, on ne peut pas vraiment le compter, mais... et c'est sur le label de Kid 606. Et je l'évoquais tout à l'heure, Kid 606 avait créé ce label, Tiger Beat 6. Il est probable d'ailleurs que Tiger Beat 6 existe encore, même s'il y a peut-être moins de production qu'avant. Donc c'était le label qui produisait et qui mettait en avant essentiellement les productions de Kid 606. Il y en a eu beaucoup, elles sont pour beaucoup formidables. mais aussi cette protégée et la copine, justement, Kevin Blechdom, et qui signe là pour la première fois sous son nom Kevin Blechdom. Disque remarquable, strictement électronique, justement pas folk. Et un peu plus tard, avec cette migration en Allemagne, puisqu'elle arrive à Berlin en 2002 et elle va signer le disque dont on parle aujourd'hui en 2003, et ben voilà, le Bitches Without Breeches qui défraye notre chronique aujourd'hui. Alors rentrons dedans. Bah voilà, tiens, on commence par la pochette. J'aime bien couvrir une pochette. Ah, visage écarlate, rouge de Kevin Blechdom elle-même, mais qu'on est impossible à reconnaître, et puis des yeux duquel sortent des flammes. Évidemment, on comprend que c'est les flammes de l'enfer, c'est les flammes de la femme en flammes, c'est les flammes de la salope, puisque si je traduis littéralement « bitches », vous aurez bien compris, ça se traduit par « salope » ou « catin » ou ce que vous voulez. Alors croyez-moi qu'au niveau des gros mots, cet album en regorge. La censure pourra peut-être nous crapahuter au chemin. Et je vais être obligé de rentrer, bien sûr, de plein pied dans les paroles et dans ce qui nous intéresse. Ce qui peut peut-être expliquer que Kevin Blechdom, évidemment, n'a pas été à top of the pop de toute sa vie. Mais retour donc à ce disque. Voilà. Alors, cette diablesse en femme elle-même. Déjà, alors, le titre « Bitches Without Breeches » est absolument intraduisible, je vais néanmoins essayer de le faire. Les breeches, sont des hautes choses. C'est un vêtement, un plastron qu'on mettait au Moyen-Âge et jusque dans les années, je ne sais pas, 1700 ou quelque chose, mais à partir de 1800, la mode était devenue autre chose. Donc en haute forme, jetez un petit coup d'œil sur en ligne et vous verrez, ça ressemble finalement, c'est comme un pantalon court ou un bermuda, si vous voulez, mais très très bouffant, en général avec une étoffe relativement robuste que portaient les chevaliers de l'époque, enfin les chevaliers, les cavaliers, enfin tout ce qu'ils pouvaient, voilà. Alors parfois c'était un bel attirail, mais souvent c'était aussi une tenue d'ouvrier, c'était voilà, un gros machin, quoi. C'était pas gracieux, c'était pas... Et surtout, a priori, pas dans un attribut qu'on pourrait supposer féminin. Et alors, les chansons. Alors, les chansons, c'est un régal. Premier titre, Use Your Heart as a Telephone and You'll Never Be Alone. Alors, tout cet album est truffé comme ça de titres qui sont à la fois des confessions de femmes et puis en même temps une manière d'envoyer, balader, mais alors tracher avec véhémence tous les a priori qu'on peut avoir sur la femme, sur la posture féminine, sur le bien-être de la femme, joliment maquillée, propinette, etc. etc. Ça va très loin. Hein. Une chanson comme Binaka chante, voilà, « I'm free, free from my hygienic responsibilities ». Donc, c'est cette chanson, pour citer qu'elle-même, finalement, laisse parler en verbe Kevin Blechdom, qui explique que, depuis qu'elle a un petit vaporisateur qu'elle se met dans la bouche, c'est plus la peine de se laver les dents. Depuis qu'elle a des serviettes, machin, c'est plus la peine de mettre des tampons. Depuis que, voilà, donc ça va tant et si bien que, voilà, elle n'a plus qu'à avoir le sida, elle n'a plus qu'à avoir tout ça, elle est enfin libérée de ses contraintes hygiéniques et de responsabilité de femme. Voilà, elle n'a plus qu'à mourir dans une décadence revendiquée, voilà, avec à cœur de citations autour des menstruations féminines, des éjaculations d'hommes, ça n'arrête pas, et en plus, c'est servi par un booklet absolument extraordinaire. Et autant vous le dire tout de suite, je vais mettre en ligne ce booklet, parce que c'est sérieux qu'on ne le trouve pas. Donc, je vais vous mettre un petit lien. Donc soyez attentifs. Je vous mets tout de suite ce petit lien dans le Facebook. Pas dans le Facebook, dans le chat. Librement cliquable, vous pourrez trouver ce booklet que j'ai dûment scanné avant cette émission, parce que figurez-vous que c'est introuvable en ligne. Bon, le disque n'est pas si simple à choper, c'est vrai. Mais enfin, il n'est pas introuvable non plus. Il y a dans ce disque quelque chose et dans ces illustrations, quelque chose qui me fait moi sérieusement penser aux illustrations sans fin et absolument réjouissantes que faisait Pedro Bell pour tout l'équipage Parliament Funkadelic au cœur des années 70 et voire légèrement au-delà. Et si vous vous en rappelez, Il y avait chez Funkadelic cette notion de documentation permanente, de chronique perpétuelle, où chaque pochette de disque, en général un gatefold très très ouvert, etc., mettait des commentaires, des chroniques dans la chronique, les paroles de l'album éventuelles, etc. Ici, c'est sur ce même genre d'attitude qu'on est, avec un booklet très sérieux. Hein. Il y a plusieurs pages, et chaque page correspond, chaque illustration correspond à celle d'une chanson. Et en général, les paroles y sont reproduites. Alors, hein, tout y va. I'm nasty, voilà. Je le fais en vrai. Là. Sticky belly, sticky hands, smelly fingers, smelly glands. Voilà, toutes ces glandes qui sentent, tous ces doigts qui puent. Voilà tout ça, à coups de dessin. Je n'ose pas le décrire parce que j'ai peur de me faire censurer. C'est assez cochon. Mais c'est cochon hyper sympa aussi. C'est-à-dire que d'abord, c'est extrêmement bien dessiné. C'est totalement libéré, mais c'est totalement assumé. C'est absolument pas anarcho-punk, finalement. Non, carrément pas. Boop BQ, voilà, les seins barbecue, boop BQ. Autre jeu de mots, le dick raw wave. Voilà, du micro-wave, on arrive au dick raw wave. Le dick, c'est la bite, voilà. Cock a doodle with your noodle. Voilà, cock a doodle. With your noodle. C'est merveilleux. Mais finalement, sous ces dessous, finalement déconnants, post-punk, dada banjo sous acide, Kevin Blushdown dissimule un malaise post-moderne aussi terrifiant qu'il est hilarant. Il y a une chronique qui est dans... Je ne sais plus que j'ai vu en ligne. Bah, oui, c'est promo sur Pitchfork, qui parle de ce disque comme un chant d'amour industriel dystopique. Qui, outre les smelly fingers que je décrivais, et puis ces trucs un peu cucu, parle aussi de rêves d'overdose avortés, c'est des hymnes suicidaires complètement ratés, si vous voulez. Kevin Blushdown dit clairement « blow your dryer in the bathtub ». Autrement dit, mettre son sèche-cheveux sous la douche, allumé. Autre citation et chronique sur cet album que j'ai récupéré. Ceci est merveilleuse, et c'est quelqu'un qui n'aimait pas l'album. Et pourtant, ce qu'il dit est plutôt vrai. Cet album pue l'élitisme qu'il réfute putativement. Cet album pue l'élitisme qu'il réfute putativement. Mais ouais, c'est vrai. Et en guise d'élitisme, et contre-élitisme sublime, on arrive à cette chanson-là qui nous dit « All the men come in this place and the men are all the same ». You don't look at the face, you don't ask the name, you don't know of them as human, you don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. On any old music will do. I want to make $1 million. I want to live out by the sea. Have a husband and some children. Yes, I guess I want a family. Tous les hommes viennent dans ces endroits et tous les hommes sont les mêmes. Vous ne regardez pas leur visage et vous ne me demandez pas leur nom. Tu ne les considères pas comme des humains. Tu ne penses pas du tout à eux. Tu gardes ton esprit sur l'argent. Tu gardes les yeux sur le mur. Je suis votre danseuse privée, une danseuse pour l'argent. Je fais ce que tu veux que je fasse. Je suis ta danseuse privée, une danseuse pour l'argent. Et n'importe quelle vieille musique fera l'affaire. Je veux gagner $1 million. Je vais vivre au bord de la mer, avoir un mari et des enfants. Oui, je suppose que je veux une famille. Cette chanson, c'est une reprise. Et c'est une reprise qu'on pourrait croire putassière, mais en fait, le texte est tellement fort, finalement, de sens. Et à quelques degrés que vous le preniez, c'est une chanson de Tina Turner, Private Dancer, un tube énorme. Et Tina Turner, une chanson qui avait d'ailleurs été écrite par Mark Knopfler, Dire Straits. Alors, on est à l'opposé de ça avec Kevin Blushdown. Mais justement, cet opposé va rejoindre ça et un féminisme, OK, qui sous des atours assez punk et provocant, est en fait largement plus affûtée que ça. Et cette citation de Tina Turner, finalement, elle est plus que légitime. Elle est assez belle. Et puis finalement, la version qu'elle en fait, vous allez voir, elle est largement mieux que l'original, parce que l'original n'est pas bien, ces trucs, ouais, Mark Knopfler, ce sont des années 80. Bref, mais quand même, voilà, mais quand même. Quant au reste de l'album, bah, il est temps qu'on rentre maintenant de plein pied. Use your heart as a telephone, I'm nasty. Moi, j'ai envie de parler de cette chanson, I'm nasty. Voilà, c'est pas I'm nasty, c'est I'm nasty. Et c'est purement le genre de chanson qu'aurait pu chanter Kylie Minogue et faire un tube avec. Évidemment, elle aurait changé les paroles. Parce que le sticky belly, sticky hands, smelly fingers, smelly gland, quelque part, ça passera jamais à l'Eurovision. En tout cas, c'est dans Cargo Culte et bienvenue dans cette écoute. Use your heart as a telephone, and then you'll never be alone. You'll see, you'll be with me. Your heart can do the walking a million, million miles. Your soul can do the talking about your feelings. Use your heart as a telephone, and then you'll never be alone. You'll see, you'll be with me. Your heart can do the walking a million, million miles. Your soul can do the talking about your feelings, fears, and smiles. It's time to change, to rearrange, prioritize and realize, and in that future, in that past, it's time to make that moment last. The current present is the main matter when the thinking is thrust away from the own. Gutterballers, life's losing, I'm on my own. So leave me alone, but give me a hip, hip hooray, and I'm relaxing my day. Let's time the change to rearrange. Just give me a hip, hip hooray, and I'm relaxing my day. Prioritizing, realizing in that future, in that past, it's time to make that moment last. Saran Wretch Mellow is my former fellow at Doo-Doo-Wee-Wee. Und was du sis cross at door der was du

Come on. I feel Un disque merveilleux. Merci Kevin Blechdom pour autant de bonheur. Bitches Without Bridges. Voilà, disque était sorti en 2003 sur le label de Chicken Speed. Chicken Speed, c'était ses filles allemandes qui étaient à la fois un groupe, à la fois un label, puis un label dans tous les sens du terme, certes, un label de production discographique, mais aussi un label de design, de fringues, etc. Bon, tout ça exprimant avec autant de véhémence que d'humour, finalement une espèce de post-féminisme, post-électro aussi, voire électro-clash, hein, c'est un petit peu ce genre de bannière générique dans lesquelles on rangeait un petit peu tout ce qu'on ne savait pas ranger à l'époque. Et Kevin Blechdom, alors, est définitivement inclassable, et tant mieux pour elle. Elle a collaboré avec Chico Speed aussi sur un de leurs titres, alors notamment, et pour le peu, c'est pas glorieux ça, une reprise de Wordy Rapping Hood. Alors Wordy Rapping Hood, c'était cette gigantesque tube merveilleux qu'avait signé Tina Weymouth, bassiste échappé provisoirement de Talking Heads avec son groupe Tom Tom Club. Bon, c'était un truc, c'était une pierre angulaire absolument incroyable. Et ma foi, la reprise n'apporte strictement rien de plus par rapport à l'original, si ce n'est que voilà, bon, elle est faite quand même. Et on a vu aussi d'ailleurs Kevin Blechdom à l'époque, alors justement aux côtés d'autres femmes, très comme ça, quoi, qui disent qu'ils sont là. Miss Kittin, notre Miss Kittin à nous, française, qui était déjà résidente à Berlin. Et puis toute la bande du Tigre aussi, voilà, qui avait pareillement migré du coin de Seattle, d'Olympia, hein, où étaient nés un petit peu ces mouvements Riot Girls, Kathleen Hanna et toute sa bande, et dont finalement les descendants, c'est l'affiliation directe, c'était le Tigre, s'exprimait aussi à Berlin. Alors j'insistais moi tout à l'heure sur cette espèce de mélange trash folk, electronica pointu. Finalement, c'est dans la ligne folk qui a continué à s'engager par la suite Kevin Blechdom, et en gardant son nom. Hein, et il y a notamment eu un projet, The Chatham Blechbourne Experience. Donc là encore des codons. Derrière le Chatham Blechbourne Experience se cache l'association de Kevin Blechdom, on l'aura deviné, et de Eugène Chatbourne. Voilà, Eugène Chatbourne, c'est un pilier, alors c'est un beau joueur de banjo, exactement comme l'est Kevin Blechdom. Et bon, et c'est un pilier de ce low folk, finalement, qui s'est très largement exprimé dans les années 2000. Mais Kevin, mais Chatbourne, c'est quelqu'un qui était là depuis 20 ans, quoi. C'est une légende à lui tout seul. Il fera sûrement Cargo Cult un jour, d'ailleurs. Voilà. Et le dernier album qu'elle signe sous son nom, c'est en 2009. Après, sa carrière s'arrête, mais enfin, en tout cas, elle sort d'une production strictement discographique, elle sort de ce style-là. Et ça vaut le coup d'être cité, quand bien même, c'est pas du tout mon disque préféré de Kevin Blechdom, en fait, c'est un peu ce qu'on écoute aujourd'hui. Ce disque de 2009 a quand même comme back-in vocaliste Jamie Liddle. C'est vachement intéressant, parce que Jamie Liddle, c'est quelqu'un qui est exactement comme Kevin Blechdom, j'ai envie de dire, on pourrait penser que c'est un alter ego masculin. C'est-à-dire à la fois un gars qui s'exprime avec la voix, et qui a une super présence, mais aussi une patte, une fabrication électronique assez particulière. Talking Tech, parlons tech. C'est exactement un titre de l'album qu'on vient d'écouter. Et je remercie Aymeric de Tepol de m'avoir donné une incroyable et très touchante information sur le chat. C'est un artiste que j'aime beaucoup, moi, Aymeric. Et merci d'être là comme ça pour partager des coups de cœur et parfois des informations rares. Notamment, et ça je l'ignorais, c'est que Kevin Blechdom, ça a été une des premières femmes et même une des premières personnes, hein, il n'est pas question de genrer le truc là, à partager en libre, ses patchs Max MSP. Et à Aymeric de me dire que c'est finalement grâce à elle qu'il avait commencé à démonter et construire des séquenceurs à partir des plans et des patchs Max MSP. Voilà, un patch Max MSP, c'est souvent secret parce que c'est le cœur, c'est le noyau d'un truc. La composition et le patch, finalement, à un certain moment. Alors, effectivement, soit ça se garde de manière très précieuse et personnelle, soit ça peut se partager à qui mieux. Et ma foi, dans les deux attitudes, il est assez satisfaisant et réjouissant de voir que, voilà, Kevin Blechdom a choisi comme ça la stricte ouverture. Kevin Blechdom, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans la au début des années 2000, en 2013, très exactement, voilà, et là, je fais confiance à Wikipédia, elle reçoit les doctorantes d'un musical art degree to perform a composer program, et tout ça du CalArts, c'est-à-dire le California Institute of the Arts. Le CalArts, c'est donc ça dit bien ce que ça dit. Pour mémoire, Carl Stone, dont j'ai parlé ici, était un de ces anciens élèves du CalArts. Alors il était, oui, dans les années 70 jusqu'au peut-être tout début 80, quoi. Voilà. Et puisqu'on parle de cette technologie, il l'a très exacerbée, en fait, pointue. Quand on est dans Max MSP, on va un peu au fond du cœur du fond. Et parfois, c'est plus mateux que musical. Le premier album dont je parlais, qui est ce mini-disque assez rare, mais très très précieux, et qui avait valu que je découvre Kevin Blechdom. Alors, non seulement je la découvre, mais j'en tombe amoureux. Et quand il sort son disque en 2003, celui dont on a parlé aujourd'hui, Bitches Over Bridges, ici à programmer label à la Cité de la Musique. C'était en octobre 2003 et elle avait transformé cette salle expérimentale. On avait séparé les endroits en une salle grande, très dance floor et puissante, avec une autre dite expérimentale. Mais bon, si l'expérimental était resté expérimental, si t'étais ennuyeux, puis si le dance floor était strictement métronomique, ça aurait été autant. Donc, il fallait faire des petits chassés croisés surprenants. Et grâce à Kevin Blechdom, on avait le chassé croisé parfait, parce que cette salle-là s'est transformée en véritable cabaret, quoi, avec des gens qui dansaient debout sur des sièges, quoi. C'est pas tous les jours la cité de la musique. Enfin, feu, cité de la musique, aujourd'hui, philharmonie, etc. On va pas en faire l'histoire ici. Par contre, refaisons l'histoire avec justement cette, ce coup d'envoi génialissime de Kevin Blechdom avec Inside Story en 2001. En guise de revoir, ça va nous servir de porte de sortie. Le disque est court, il fait à peine 20 minutes. C'est truffé de titres qui font entre 3 et 4 minutes, mais beaucoup font moins de 2 minutes. Le plus court fait 24 secondes. Il est absolument excellent, on regrette qu'il ne soit pas plus long. Et c'est l'autre face de Kevin Blechdom, mais qui est extrêmement éclairante au regard de ce qu'on a écouté aujourd'hui. Et où là, effectivement, on est dans la stricte électronique, on est dans les patchs Max MSP. On est même dans des expérimentations étonnantes, hein, notamment dès le premier morceau, quelque chose qui tient du travail hors phase, chose qui est absolument merveilleuse, mais très très difficile à gérer, parce que forcément, l'écoute d'un morceau hors phase, finalement, trouble totalement vos sens, la direction du son, et peut être notamment assez difficile à écouter au casque. Et vous allez voir, c'est exactement le cas sur des sine wave dûment travaillées. Voilà, c'était notre petite minute talking tech de cette émission. Et tout le reste est à l'avenant, avec des délices rythmiques, beaucoup, beaucoup d'ironie et bien sûr cette attitude clairement dadaïste, mais qui est ici exprimée sous couvert d'électronique. C'est absolument une petite merveille. Donc du coup, c'est un coup double que je vous offre aujourd'hui, parce que non seulement on a parlé d'un disque culte, le Beaches Without Breaches de 2003 de Kevin Blechdom, mais du coup, j'hésite pas à en remettre une tartine avec son Inside Story de 2001. C'est son fameux disque qui était paru sur Tiger Beat 6, le label de Kid 606 à l'époque. Ben voilà, je vous le livre pour vous, rien que pour vous. Alors celui-là, en plus, il est rarissime, donc tout ça vaut cassettes, hein, comme on disait à l'époque. Merci d'avoir été à l'écoute de Scargo Cult. Je me réjouis de revenir avec vous la semaine prochaine et peut-être avec quelque chose de totalement opposé à Kevin Blechdom, donc du coup, ben, pourquoi pas proche, et foncièrement et volontairement très burné. Je n'en dis pas plus, à la semaine prochaine. Thank you.